Cette semaine, de dans les palmarès, c'est fou. On se guérit de quelques nouvelles pièces de la Patère Rose, M et We Are Wolves. Et on saura si le roi poisson et Obijou sont toujours numéro 1. C'est dans les palmarès, c'est fou, sans Kiwan et sans Benoît Gagnon, mais avec Mathieu Plante, vendredi 17h.